Du 10 au 12 août prochain aura lieu la 17e édition de la classique de volleyball de plage Family Prix Jeannie Larouche. Ici Mario Fortin, maire de Normandin. C'est avec un immense plaisir que j'invite les gens à venir en grand nombre assister à une performance de haut niveau des participants provenant de tout le Québec. Venez assister à des matchs enlevants de joueurs de tout âge qui vont vous en mettre plein la vue. Nous vous attendons en grand nombre au site touristique de la Chutelourde de Normandin afin de venir encourager ses athlètes. Je veux remercier le président de la Classique, Danny Bouchard, et toute son équipe de bénévoles qui n'ont ménagé aucun effort afin de vous offrir une Classique de qualité pour cette 17e édition. Bonne chance à tous les joueurs et on vous attend en grand nombre. On va parler de volleyball de plage. C'est la 17e édition de la classique de volleyball Jeannie Larouche Family Prix à Normandin au camping Chutelourde. Et évidemment, c'est, année après année, c'est une classique qui a gagné en popularité. Question d'en savoir davantage cette année. On parle avec, encore une fois, le président Danny Bouchard. Salut, Danny. Salut. Danny, est-ce que ça fait 17 ans que tu es là? Non, c'est ma 12e année cette année. OK, 12e année, donc c'est pas mal quand même. Là. Et, année oui. après année, est-ce que le comité change ou c'est pas mal les mêmes personnes qui reviennent toutes les années? Ben, depuis peut-être 5 à 6 ans, on a un comité quand même assez homogène qui est resté le même. On a eu une personne qui s'est ajoutée au comité dans les derniers 5 ans, on va dire. OK. Donc, c'est vraiment un comité stable. Donc, ça roule bien, c'est bien rodé. Donc, il n'y a pas de problème là-dessus. 17e édition cette année. À quoi ça va ressembler? Oui. Ben, à quoi ça va ressembler? On va avoir encore cette année du volleyball de qualité parce qu'on a eu 75 inscriptions, 75 équipes de partout à travers la province. On a des gens de Joliette, des gens de l'Outaouais, des gens de Montréal, des gens de partout. OK. Donc, est-ce que c'est un comité quand même? Je veux dire, est-ce que c'est un tournoi qui est au Québec? Est-ce que c'est un tournoi qui est bien vu par ces gens-là? Oui. Un exemple, l'an dernier, on a eu des gens qui, c'était la première fois qu'ils venaient au tournoi, des gens de Joliette. OK. Eux autres, ils ont une grosse ligue de volleyball qui s'appelle Jolie Beach, je crois. OK. À Joliette. Puis, ils sont venus la première fois l'année passée. Ils reviennent cette année parce qu'ils disent que c'est le plus beau tournoi de l'été au Québec. Au Québec. C'est qu'est-ce qu'il fait? C'est évidemment, c'est l'hospitalité, c'est l'allure du centre du camping Chutelourde, c'est ça, quoi? Faire ça? Oui, bien, c'est que le fait aussi qu'on fasse le tournoi sur un terrain de camping, les gens arrivent le vendredi, s'installent, ils n'ont plus besoin de prendre les autos, tout est sur place, c'est le fait. Puis il y a aussi l'animation, les spectacles, le souper le samedi soir. Parce que les joueurs de volley sont pas, en général, c'est pas aussi gros que ça, là. OK. Un tournoi de volleyball. OK. Parce qu'il faut dire aussi que peut-être que Normandin met vraiment la main à la pâte parce que quelque part, c'est leur seul festival de l'été depuis quelques années. Là. Oui, ben maintenant, depuis que Dédé Fortin. Dédé Fortin est terminé. C'est à peu près le seul événement qui reste à Normandie. OK. Est-ce qu'on est rendu au maximum des capacités de ce tournoi-là ou il y a encore de la place à amélioration? Bien, disons, au niveau quantité d'équipes, présentement, on a 8 terrains de volleyball. Mm. On pourrait aller peut-être à 80 équipes, mais c'est parce que à cause des cédules de jeu. On ne peut pas faire plus qu'un nombre X de parties dans une journée. Là. C'est genre comme le samedi, là, on a aux alentours de 120 parties de volleyball. OK. C'est pour ça que si oui, on pourrait augmenter la quantité en augmentant le nombre de terrains. Okay. On va ajouter des terrains, mais parfois c'est la place. Donc, ça va commencer en fin de semaine, ça va commencer ce soir, j'imagine? Oui, ce soir à 5h, les premiers matchs. OK, puis il y a combien de classes, puis il y a combien d'équipes? On a les classes, on a le homme A, homme B, femme A, femme B, plus et femme B. On a mix A, mix B, mix C. OK. On a plusieurs classes. Donc le mix, voilà. Ce que je peux voir, c'est que le mix est très bien en vue, là. Oui, ben, parce que dans le mix, c'est parce que, genre, je vais avoir beaucoup des gens, des amateurs de volleyball qui sont pas nécessairement des joueurs de volleyball. Ils font ça pour s'amuser. C'est fait que dans le mixé, c'est la catégorie idéale là, pour les gens qui jouent à l'occasion. OK, OK. Est-ce qu'il y a des spectacles? Parle-moi des spectacles. Oui, le vendredi soir, on a un chansonnier, Frédéric Gagné. Okay. Et le samedi soir, c'est le groupe Punchline 13. C'est un groupe qui font du rock alternatif. OK, OK. Donc, puis est-ce que ça coûte de quoi rentrer sur le site? C'est 10$ par jour ou 20$ pour la fin de semaine. OK, donc... Mais ça te donne accès à... Ça te donne accès au site au complet, là. OK. Bien, évidemment, c'est de la grosse préparation, hein? Fait que, voilà. Ben, Oui. Donc, on va souhaiter la meilleure des chances. On s'en reparle, évidemment. Donc, les gens qui veulent voir ce qui se passe, évidemment, ça se passe au Camping Chutelos en fin de semaine. Il y a la page Facebook, j'imagine, qui va être aussi alimentée. Oui. OK, OK. Oui, on va essayer de... C'est sûr que dans le roulant du tournoi, c'est pas tout le temps évident de prendre une petite pause pour aller ouais. poster quelque chose sur Facebook, là, mais... Ouais. On va essayer de mettre quelques images sur Facebook. OK. Donc, on s'en reparle très, très prochainement. Oui. Voilà. Viens nous voir. Oui. Viens nous visiter. Effectivement. Donc, voilà, c'était Danny Bouchard qui était le responsable du tournoi du Camping Chute à l'Ours, la classique Jeannie Larouche Family Prix.